lollipop. Basique. Putain, mais y a pas de basique. Basique. Pour moi. Batteur. exactement, mais c'est... En ce moment, je vais faire de. Tu connais Spicer? Ah putain, j'ai essayé de le faire, j'arrive plus à le faire. Thank you. tonalité. Je me rappelle plus la tonalité. J'ai trouvé un mec sur. C'est quoi ça? 30 et moule machin? Instrumental. Ça prend la place. Hein. Thank you. Thank you. We'll be right back. Thank you.